squale ma gueule. Tout commence un dimanche, ça me démange de te le dire. Franchement, j'étais pas prêt, Bendejo joue en pro. Il sait que tout a appris, que la famille c'est précieux. Il oublie pas le passé précis dans ses récits. Les récits, c'est ce qu'il a vu, la rue il l'a vu. Il s'en fout que tu le vois, pas d'aveu, pas d'avis. Luna connaît Panka, elle connaît même les pères qu'ils ont parqué. Elle met le paquet piqué par Bendejo, le bandit à la côte. Il écoute que maman est sous cuite, il rentre pas dehors, il met des carottes. Tout n'était pas carré, donc il vole la couronne. Il est pas très curieux, il est prêt à canner. Seul dans son canot, et rien qu'il tient les cannes, il n'a pas peur du canon. Il est pas prêt de couler, même que dans les coulisses, au culot, pas de calcul. Tout dans la calculette, mes couilles dans mon caleçon, ça tire, tu sais qui c'est, va pas demander c'est qui. Trois chapitres du champagne, je laisse la suite au passé, chute gros, n'en dis pas plus. Dans l'album, y'a de la place, mon happy sur le rap. Rappelle-toi que j'étais seul et que tout seul sera la squale. Gros sérieux, je le suis, Bendejo, c'est maintenant, je ne vise pas le maintien. Bendejo, c'est maintenant, je ne vise pas le maintien.